Il y a tout le confort des broderies en fil d'or. Peut-être un enfant qui dort, qui porte mon nom. Je m'y sens vraiment très bien. J'envisage des lendemains. On y met en commun notre imagination. Mais il faut que je dise non, car ton amour est une prison. Tu pourras y mettre les choses les plus magnifiques, je ne suis pas ton domestique. Il y a moult promesses dans chacune des pièces et beaucoup de caresses en compensation. Je suis vraiment ébahi de voir ce que tu as construit. C'est l'œuvre d'une vie, d'une passion. Mais il faut que je dise non, car ton amour est une prison. Et même avec le meilleur engrais et la meilleure eau, je ne vis pas dans un pot. Il faut que tu comprennes, il se peut que je revienne des voyages en terre païenne, si j'en ai l'option. Tu peux construire des fenêtres et parler de peut-être, mais tu ne peux confiner mon être dans ta maison. Et il faut que je dise non. Car ton amour est une prison. Tu as peut-être l'habitude de vivre comme ça, mais pas moi. Tu as bâti un contenant pour un futur prince charmant et pour son destrier blanc, mais pas pour un garçon. Si tu m'enfermes dans cet univers, je te jure de tout foutre en l'air. Car je porte le nom de mon père et ça a des raisons. Et il faut que je dise non, car ton amour est une prison. Je t'en prie, renonce à tous ces machins et viens. Allez, viens.